Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1976, pour le cinéma des cinéastes, François Truffaut se souvenait de ses jeunes années de cinéphile, de l'époque où il était, dans Art et les cahiers du cinéma, un critique redouté et détesté par beaucoup de réalisateurs, de scénaristes et de producteurs. Il évoquait notamment son article resté célèbre, Une certaine tendance du cinéma français. La semaine dernière, François Truffaut nous a raconté sa rencontre avec André Bazin. Une rencontre déterminante pour lui, enrichissante à tous égards, d'autant que l'échange se faisait entre eux sur le ton très vif et parfois polémique d'une discussion inlassablement poursuivie. Oui, parce que c'est vrai, mais ça s'explique, comment dirais-je, ce climat polémique s'explique parce qu'il y a dans l'ombre une éminence grise qui est Romère. Et Romère, vis-à-vis de l'extérieur, n'apparaît pas. C'est comme si il aimait ce rôle d'éminence grise, je crois. Mais Romère nous impressionne davantage sur la question du goût. Bazin est admirable par, disons presque. Je me demande même si c'est pas parfois l'écrivain qu'on admire en lui. Vous voyez, c'est l'ingéniosité de l'analyse, c'est le raffinement de l'analyse, c'est la maîtrise du langage, c'est la dialectique, c'est tout ça qu'on admire chez Bazin. Pour le goût, on fait davantage confiance à Romère. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Enfin, en fait, parce que Bazin se trompe souvent. Bazin s'emballe. Sur Euler, ouais. Sur Mina de Wengel, de Maurice Clavel, ou sur je ne sais pas quoi. C'est le raisonnement chez lui qui est important, toujours. Alors, quand le raisonnement fonctionne à partir d'une chose de valeur, comme les Dames du Bois de Boulogne, c'est prodigieux, ou Monsieur Verdoux. Et tandis que Romère, c'est différent. Romère parle comme quelqu'un qui fera des films. Il parle davantage en artiste, quand même. Il parle davantage en artiste, si vous voulez. Et Astruc a beaucoup d'importance aussi, je pense, non ? Comme à cette époque-là. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il écrivait très régulièrement. Si, il écrit quand même dans la revue du cinéma. Oui. Astruc, il était intéressant. On ne le voyait pas comme quelqu'un qui écrivait, on le voyait comme quelqu'un qui était le seul d'entre nous à avoir un pied dans le cinéma, voilà. Parce que quand il arrivait au Cahier du cinéma, là, je passe quelques années, quand il arrivait au Cahier du cinéma... il arrivait de l'extérieur. Je veux dire que nous, si on arrivait au Cahier du cinéma, on venait simplement d'un cinéma, d'une salle de cinéma ou de la cinémathèque. Tandis que lui, il arrivait, il avait vu en ville tel et tel producteur, tel et tel scénariste, tel et tel metteur en scène. Et il apportait une espèce de parfum de professionnalisme là-dedans. Il était, à l'époque, il y avait les débuts de Ciampi, de Verneuil, de je ne sais pas qui. Et il disait, moi je demande pas autre chose que d'être, de faire partie du Circé, Verneuil, Ciampi, voilà, c'est... En réalité, son ambition était plus grande que ça, mais il voulait dire par là qu'il voulait faire des films. Il voulait faire des films, il voulait plus écrire, ni faire des scénarios. Il a collaboré, je crois, à quelques scénarios de Pagliaro, choses comme ça. Il voulait faire des films. Avant ça, il y a eu aussi, parallèlement à Cinémathèque, il y a eu un endroit qui était très important, un endroit de réunion qui était le ciné-club du quartier latin de Frochel. C'était Frédéric Frochel, un drôle de type, qui avait une activité de ciné-club incroyable. Il avait loué toutes les salles possibles, imaginables, rive gauche, c'était aussi bien la salle de géographie, je crois, boulevard Saint-Germain, que la salle de Cluny Palace, telle et telle heure, que la salle de... Je ne sais pas, il devait bien y avoir 3-4 salles, y compris la petite lance qui s'appelle maintenant la salle Jean Cocteau, la rue d'Arras. Et si bien que Frochel offrait facilement 10-12 films par semaine, il était devenu comme... il était au bord, si vous voulez, du ciné-club et de l'exploitation à RSC, en fait. Vous voyez, comme une espèce de précurseur de ça. Et alors, il avait été probablement à Sainte-Barbe ou ailleurs, je ne sais pas dans quel lycée, il avait été l'élève de Romère. Alors, il demandait à Romère de venir présenter les films. Et ça aussi, c'est une des premières impressions de Romère, que nous avons de Romère, une impression assez forte, parce qu'il était remarquable dans ses présentations. Et que je pense aussi qu'il a animé certains débats. Alors cet endroit était important, à égalité avec la Cinémathèque, certainement. Alors, ah oui, j'ai mentionné cet endroit parce que le ciné-club du Quartier Latin faisait un bulletin, et je crois que c'est dans ce bulletin que j'ai dû écrire pour la première fois. Oui. Un article avec Romer. Alors la première fois, je crois, René Clair est venu présenter un samedi après-midi, je crois, à 14 juillet. Et alors après, Romer, je ne sais pas pourquoi, par pure gentillesse, parce qu'il était vraiment un écrivain, je veux dire, m'a dit, oh, faisons ce compte-rendu ensemble, ça m'ennuie de faire ça, faisons-le ensemble, je ne sais pas quoi. Donc on a écrit un article ensemble, je suppose qu'il est entièrement écrit, réécrit par lui, et qui était donc le compte-rendu de la visite de René Clair à ce ciné-club, et que nous avons signé tous les deux. Et puis ensuite, j'ai dû, et à peu près à ce moment-là, il y a eu, c'était quand même, c'était un événement, il y a eu cette projection, malheureusement je n'ai pas retrouvé cet article, il y a eu une projection, Fröschel a retrouvé une copie intégrale de La Règle du jeu. Alors vraiment, c'était donc un film qu'on connaissait par cœur, mais on le connaissait par cœur dans sa version mutilée. Et tout d'un coup, on voit un film avec 14 scènes en plus. Pas 14 vraies scènes, mais enfin 5 ou 6 scènes très complètes, plus des plans par-ci, par-là, la fameuse vis de la fauvette, l'histoire du petit lapin, le deuxième réservoir, l'arrière de l'avion dans la conférence au début. Disons qu'à chaque bobine, il y a des plans nouveaux, des scènes nouvelles. Alors ça, ça a été l'objet d'un... je crois que c'est ça, en fait, mon premier vrai article, parce que j'ai fait un article qui énumérait donc tous les plans nouveaux de cette version, sous l'enthousiasme de ça. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est déjà un article précis, puisque c'est un article qui consiste à dénombrer des plans qui manquent. Ah oui, c'est un article très précis, oui, parce que, c'est probablement pour ça que j'étais capable d'écrire, d'ailleurs, c'est parce qu'il concernait une chose que je connaissais par cœur. Et à cette époque-là, Romer a lancé un journal, aussi avec Fröschel, je crois que c'était un peu la continuation du Ciné-Club Quartier Latin, qui était la Gazette du cinéma, qui n'a eu que quelques numéros, mais je n'ai pas écrit dedans, ou j'ai dû écrire un article qui n'a pas été publié. Et c'est là-dedans qu'apparaissent les premiers articles de Jean-Luc Godard sous la signature de Hans Lucas, c'est ça? Oui, absolument. Un article en particulier un article sur le cinéma et la politique. Oui, sur La Jeune Garde, le film russe, et c'est vrai. Et sur un film de Max Ophüls, Le Plaisir, je crois. Et sur des films de Mankiewicz, oui. Et voilà, alors c'est un journal qui n'a eu que 3-4 numéros, mais qui était très intéressant. Et par la suite, premier article au Cahier du cinéma, alors ça date de quand? Oh, je ne me souviens plus, je crois que je suis revenu de l'armée, j'ai disparu à ce moment-là, j'ai perdu 2 ans à l'armée, j'ai dû rentrer en 52 de l'armée, et puis avec un certain dégoût du cinéma à ce moment-là, parce que pendant 2 ans j'avais vu aucun film pratiquement, donc j'estimais que j'avais perdu beaucoup d'années à voir des films et j'ai été quelques mois sans retourner dans les salles, vous voyez. J'écoutais des pièces de théâtre à la radio à ce moment-là, je faisais d'autres choses, je lisais beaucoup. Et puis je suis revenu au cinéma progressivement. Et il y a ce film de Max Ophüls qui m'a plu, Le Plaisir, et puis le Tramway nommé Désir de Kazan m'a beaucoup intrigué. Et enfin je me suis mis à retourner au cinéma peu à peu. C'est comme une espèce de convalescence, c'était assez bizarre. Et puis, il y avait cette ambiance des Cahiers du cinéma, donc, dans laquelle je me suis replongé, retrouvant Rivette et Jean-Luc, et ça m'a donné envie d'écrire. Je crois que j'ai dû écrire d'abord sur un film américain assez banal, mais Le Masque arraché de David Miller, c'est ça, oui. J'ai écrit un article qui concernait plus le cinéma américain que ce film-là en particulier, mais qui était assez chaleureux, un article assez enthousiaste. Et puis après une série d'articles, jusqu'à un article assez général qui était contre le cinéma français, contre une grande partie, disons contre les 2/3 du cinéma français, qui représentaient à ce moment-là par Delannoy, Yves Allégret, René Clément, Pagliero, et je ne sais plus qui. Et cet article très polémique a mis longtemps à paraître parce que à ce truc s'y opposait, parce que je parlais de gens qui étaient des amis à lui. Bazin était pour, mais... il ne voulait pas, l'article était trop violent, quoi. Alors, Lenart l'avait lu, était pour, je ne sais plus, c'était un article qui était déjà, comment dirais-je, discuté à l'excès avant même de paraître. Donc, il a fini par paraître. Et je crois que Parino l'a lu à Art et m'a proposé de rentrer au journal Art grâce à cet article. Et ce qui m'a permis de devenir critique d'hebdomadaire. Et ça, c'était vraiment intéressant. Je considère que c'était très enrichissant. Parce que sinon, il y avait le danger au Cahier de vivre en cercle fermé. C'est vraiment très dangereux d'aller voir les mêmes films à 5 ou 6, de se retrouver à 5 ou 6, n'en parler qu'à 5 ou 6 et de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur. Tandis que l'art, c'était, il y avait, comment dirais-je, j'apprenais mon métier, j'apprenais à écrire, et il y avait une discipline journalistique à suivre. Le fait même, l'obligation même d'avoir à raconter le sujet d'un film, je trouve que c'est une chose formidable. Parce que dans les cahiers, c'était l'humeur, c'était, on disait ce qu'on pensait de tel film, mais en réalité, on se souciait peu. Enfin, les gens étaient censés ou avoir vu le film ou savoir ce qu'il y avait dedans. Effectivement, les cahiers, c'était trop, on prend position, on est pour, on est contre. Ce que je reproche aussi, bon, encore maintenant, à la critique souvent. En réalité, avant d'être pour ou contre, il faudrait décrire, et bien décrire. Je trouve que quelqu'un qui sait bien décrire un film, c'est important, parce que c'est ça les vrais éléments d'information. Disons que le cinéma, à partir de cette expérience de l'hebdomadaire, du journalisme hebdomadaire, je trouve que le cinéma, je considère pour moi, cessait de fonctionner comme une drogue. Au lieu d'être un fou de cinéma qui s'adresse à d'autres fous de cinéma, j'étais quelqu'un qui avait vu un film, et d'ailleurs des films qui ne me plaisaient pas, c'est ça. C'est que oui. C'était le cinéma français, enfin j'aimais 4 films par an, donc film de Bresson, film d'Ophuls et de Tati, et puis le reste c'était vraiment des trucs genre, je sais pas quoi, je cite toujours Marie-Antoinette parce que c'était un cas limite pour moi, puisque ce film avait été envoyé au Festival de Cannes, Marie-Antoinette de Delannoy, Chien perdu sans collier, Marguerite de la nuit, Tant Lara, tout ça. Le Rouge et le Noir, qui est tellement immonde encore aujourd'hui, je continue à haïr ce film. Mais il fallait rendre compte de ça, et comme je savais que j'étais violent, mais qu'il fallait donner des arguments, il fallait donner des arguments absolument, et c'était impérieux, c'était important, donc il y avait une discipline journalistique là. Alors, y a une chose dont je suis très curieux, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même, c'était quelles pouvaient être vos relations personnelles au cahier du cinéma. On imagine une équipe de journalistes avec une certaine familiarité, un tutoiement, etc. Or, vous êtes toujours vous voyez, je crois. Pas tous, mais enfin oui, c'est certain, on a toujours vous voyez Romère. Non, on se tutoyait avec Rivette, je ne sais pas. Non, ça dépend. Oui, effectivement, il y avait ce phénomène toujours étrange. Si vous connaissez maintenant une petite fille de 10 ans, qui la petite fille d'amis à vous, vous la tutoyez, elle vous tutoie. Et puis dans 4 ans, elle aura 14 ans, elle n'osera plus vous tutoyer, elle vous dira vous continuerez à la tutoyer. Après, vous aurez des rapports étranges dans la vie. Bon, il y avait ça, le fait que de Daniel Valcroz me tutoie et je le vous vois, par exemple, parce qu'il m'a connu gamin, vraiment, venant chercher des photos, faisant ci, faisant ça, faisant des courses et tout. Donc, c'était cette bizarrerie de rapport, là. Oui, certainement. Il y avait une très grande retenue, dans, je veux dire, sur le plan... On ne savait rien les uns des autres, presque. C'était ça, comme si la vie privée n'existait pas, ou qu'elle n'existe pas, ou qu'elle ne compte pas, la vie de famille. Donc c'était cinéma. C'est la folie, c'est le monde clos dans toute sa folie, ça. Dans toute sa pureté et dans toute sa folie. Le monde clos, vraiment. Moins Daniel Valcroze. Daniel Valcroze est quelqu'un qui a toujours une vie sociale, qui a toujours fait du tennis, des rallyes de voitures, je ne sais pas quoi. Il a été toujours tourné vers l'extérieur, où il a toujours eu d'autres intérêts dans la vie que le cinéma, ou d'autres amis que des gens qui font du cinéma. Mais pas nous. Et justement, dans cette période d'art, ce qui est assez curieux, dans cette période de journaliste art-spectacle, je ne me suis pas rendu compte, par exemple, que je devenais très connu dans les milieux de cinéma, simplement parce que j'étais haï. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui rêvaient de me rencontrer, de me donner une paire de gifles. Mais je ne le savais pas, puisque je ne voyais personne. Je l'ai su pour la première fois par Rossellini, je crois, puisque Rossellini, une fois je l'ai interviewé à un de ses passages à Paris. Puis on a gardé le contact, il m'a écrit après de Suède, m'a demandé de lui faire penser à des sujets de films pour Ingrid Bergman, des choses comme ça, on est entré en correspondance. Puis après, quand il venait à Paris, il m'appelait. Et lui, il sortait, il allait dans cet endroit insensé qui était, je crois, l'Élysée Club, où dînaient beaucoup d'acteurs, de scénaristes. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit comme ça aujourd'hui. Mais enfin, il y avait cet endroit. Et c'est par lui que j'ai appris que je dérangeais tellement de gens. Voilà. Ou alors par Jacques Laurent, qui dirigeait le journal aussi, et qui riait, parce qu'il me défendait beaucoup. Mais Jacques Laurent disait, la maison Gaumont m'a promis un budget de publicité si je vous fous à la porte. Et puis, finalement... il y a cette histoire du Festival de Cannes aussi, où j'avais rendu compte avec trop de sévérité du Festival de Cannes. Et l'année suivante, le Festival de Cannes a dit au journal, on invite n'importe qui de votre journal, sauf si c'est Truffaut, il faudra que ça soit à vos frais. Alors le journal m'a envoyé à leurs frais, ils ont été très courageux, ils ont été très bien. Jacques Laurent a toujours été formidable, je dois dire. Parce qu'il était scénariste, il faisait les films de... Non, c'était fini, les Caroline Chéry, mais enfin, disons, il était scénariste, je crois, pour la société Gamma Film. Il rencontrait souvent les gens vraiment de l'industrie. Il recevait donc toutes sortes de plaintes et il tenait bon. Ça, il était formidable, parce que je crois que n'importe qui à sa place aurait dit « Bon, ben, on va sacrifier ce petit emmerdeur ». Et aussi, je profitais quand même de la situation que nous avions une page entière de cinéma pour faire rentrer les copains, c'est-à-dire que j'ai fait écrire Jean-Luc, Romer, et Rivette un peu moins. Rivette avait beaucoup de mal pour le rythme de l'hebdomadaire, il était très lent à écrire, il ne pouvait pas. Mais Romer a pas mal écrit dans Art, et Jean-Luc aussi. Ce qui est tout de même curieux quand on regarde les cahiers de cette époque et qui se retrouvent dans Art à cette époque-là, c'est que voilà un groupe de jeunes gens très cohérents par leur goût. Grosso modo, on peut dire que les films qu'ils aiment sont à peu près les mêmes à des nuances près. Et qui n'éprouve absolument pas le besoin d'élaborer une théorie du cinéma. Il n'y a pas l'exemple d'un manifeste, ni d'une théorie du cinéma, d'un drapeau en dehors de la politique des auteurs, article qui n'a jamais été écrit. Oui, mais justement à cause de la politique des auteurs. La politique des auteurs dit, c'est l'individualisation totale. La politique des auteurs dit, non pas que tous les films d'Hitchcock sont bons et que tous ceux de Lanois sont mauvais, mais elle dit le plus mauvais film d'Hitchcock est plus intéressant pour nous que le meilleur film de Lanois. Voilà ce que dit la politique des auteurs. Donc, elle est une profession d'individualisme quand même. À cause de ça, elle s'interdit toute généralisation. Et je crois aussi que nous avions présent à l'esprit cette espèce d'escroquerie que constituait non pas le néoréalisme italien en soi, le néoréalisme italien n'était pas une escroquerie, les films, un par un, n'étaient pas une escroquerie, mais l'étiquette et le programme étaient une escroquerie. C'est-à-dire qu'on était très frappés. Il y avait eu au ciné-club universitaire, tout de suite après la guerre, des séances assez mémorables, hein, où on a vu Amore pour la première fois, où on a vu des films de Blasetti, des films de Sica, des films de Santis. On voyait donc le cinéma italien qui arrivait comme ça, tous les vendredis, à la Maison de la Chimie. La maison du chemin de fer, je sais pas quoi, là, derrière la République, rue Yves Toudic. Et ce qui nous frappait, c'est que ces films, beaucoup étaient formidables, mais ils étaient d'une disparité de style incroyable. On voyait bien que De Santis était un romantique, que De Sica était sentimental et poétique et théâtral, tandis que Rossellini imitait les actualités. Et alors tous ces gens-là faisaient semblant de faire le même cinéma. Nous, on se rendait compte que c'était pas vrai, qu'ils ne faisaient pas le même cinéma. Et on voulait probablement éviter de tomber dans cette erreur. Je crois que ça a été accentué dans les premières interviews au moment de la Nouvelle Vague. Je crois que dans le seul point commun, si vous voulez, dans toutes nos interviews, c'est qu'on disait « il n'y a pas d'école, il n'y a pas de point commun entre nous ». On était très soucieux, pas par orgueil du tout, je crois par honnêteté vraiment, de ne pas faire croire aux gens qu'il y avait des préoccupations communes, une esthétique commune, non, il n'y avait pas. Il y avait simplement prise de position, comment dirais-je, non, c'était individuel, il y avait l'idée que chacun allait suivre son chemin, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Avec d'autres qui sont venus par après. Et d'autres sont venus par après, et puis comment dirais-je, et que les divergences sont devenues de plus en plus accusées, parce que ça je crois que c'est normal, plus oui. On est soi-même, plus on s'écarte de l'autre. Hein. C'est ça. François Truffaut, souvenir d'une jeunesse cinéphile pour le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe, a été diffusé la première fois le 15 février 1976. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.